partout votre radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Vous venez d'écouter Black Pumas Colors. Bonsoir, vous êtes dans les coulisses de Bérénice sur Radio Web Passion. Merci à tous de nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux dans les coulisses. Cette émission est enregistrée compte tenu des horaires du couvre-feu. Je suis accueillie donc avec toutes les mesures sanitaires au domaine de Valette et j'ai comme invité des personnes très très spéciales. Les fondateurs du célèbre festival d'art urbain à Précigny-les-Pins. Il s'agit du festival Label Valette qui aura lieu les 27 et 28 août. Tout d'abord, bienvenue dans les coulisses, Mathieu et Seb. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un lieu incroyable pour une interview. C'est très spécial pour moi puisque je me sens une privilégiée. Nous sommes au château. Alors, dans une dépendance du château, merci à vous de m'accueillir. Merci à toi d'être venu, surtout. Ça fait plaisir de te rencontrer. Et on va pouvoir t'en parler un peu plus de ce projet et du château et de son histoire. Alors, le concept de l'émission est de connaître votre parcours, bien sûr, de vous connaître un peu mieux. Ce qui vous a conduit de près ou de loin aux arts urbains. Donc, je veux tout savoir sur vous. Est-ce que vous voulez prendre le micro pendant l'interview ou est-ce qu'on reste comme ça ? Comme tu veux. On reste comme ça ? Ouais. D'accord, très bien. Alors, je vais commencer par toi, Seb. Je voudrais connaître ton histoire. Oula. écoute, moi, je suis né à Montargis. J'ai grandi dans un petit village à côté qui s'appelle Villemoutier. Et j'ai rencontré Mathieu à Fontainebleau au lycée. Et à la base, rien de destiné à être ici aujourd'hui. On est un peu tombé par hasard dans le virus de l'art urbain par le biais de la photo, si je dis pas de bêtises. La toute première fois où j'ai parlé d'art urbain à Mathieu, c'était pour faire des photos de la petite ceinture de graphe qu'il y avait à l'époque. Et voilà, de fil en aiguille, ça a pris de plus en plus de place dans notre vie. Moi, en parallèle, je travaille dans la communication, les relations presse. Et puis voilà, on avait fondé une asso, enfin Urban Art Paris, il y a 6 ans à Paris, donc qui était un média. Et Mathieu nous donnait des coups de main de temps en temps, puis au fur et à mesure ça a pris de plus en plus de place, de plus en plus de place. Et voilà, on en est là aujourd'hui, on est associé et sur le projet et dans la vie professionnelle. Et ça se passe plutôt bien, même si parfois, comme dans les couples, on a des petites prises de bec. Donc voilà. Tu as quel âge ? J'ai 32 ans. Tout jeune pour ce projet. Et ça fait... Ah, faut pas le dire, c'est poli et tout. Ok, tu veux rajouter quelque chose d'autre éventuellement Bah non, mais c'est, voilà, c'est une passion qu'on a la chance de vivre et de presque en vivre. Et il y aurait 10 000 choses à dire, donc après je sais pas par où commencer, mais ouais, voilà. On va présenter Mathieu. Donc Mathieu, bonjour. Et voilà, je voudrais connaître ton histoire. Alors moi, pour le coup, j'ai 31 ans, donc le petit jeune. J'ai grandi à Fontainebleau et du coup, comme disait Seb, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et j'ai découvert Montargis et ses environs avec les nombreux week-ends qu'on passait à la campagne chez ses parents avec nos potes du lycée. Et pareil, moi, il y a absolument rien qui ne me prédestinait à finalement monter un festival d'art urbain. Et c'est même Seb qui m'a entraîné là-dedans dans sa passion. Il est assez fort pour ça, pour embarquer des gens dans ses rêveries. Et du coup, j'ai quitté une carrière en ressources humaines, donc absolument rien à voir, pour monter le festival aux côtés de Seb. Donc, quelles sont vos missions l'un et l'autre ? Donc, Seb, toi, tu es parti plus communication, donc ? C'est ça, je suis plus sur la partie communication et artistique. Et l'idée, c'est découvrir des nouveaux artistes, réfléchir un petit peu à ce qu'on veut apporter en nouveauté sur le site tous les ans. Parce que l'idée, c'est aussi de proposer des choses nouvelles, pas de se reposer sur nos acquis. Et on se partage plutôt bien le taf avec Mathieu, dans le sens où il s'intéresse quand même à cette partie-là. Et Mathieu est plus tourné sur une partie coordination, logistique, finance, tout ça. Vous êtes uniquement deux ? C'est un collectif, une association ? Qu'est-ce qu'il y a à la base ? Alors c'est l'association dont parlait Seb à la base, donc Urban Art Paris. Il y avait une équipe à la base quand on a monté le projet, donc qui a commencé fin 2016. L'équipe a beaucoup changé depuis et s'est beaucoup renforcée. Donc non, on est deux à avoir lancé le bébé et on est deux à tout superviser globalement, tout chapeauter avec chacun, comme il disait, ses spécialités. Mais sinon, dans l'équipe fixe à l'année, on est quasiment une bonne vingtaine. Alors quand tu dis une bonne vingtaine, tu parles de l'organisation du festival, j'imagine. On va en parler. Tout à l'heure, tu vas nous expliquer exactement de qui vous avez besoin pour fonctionner sur l'organisation et le jour du festival, hein, parce que c'est une grosse machine quand même. Donc, ça fait combien de temps que... Donc là, on parlait de l'association de 2016. Et le festival, ça fait depuis 2016 qu'il existe ? Alors... Petite rectification, l'association c'est 2015, du coup. Et le festival, vraiment, les prémices, les premières peintures et les premières idées ont commencé à naître en fin 2016. Et c'était ici, au domaine déjà ? Ça a démarré de toute façon ici ? Alors ça a démarré ici, et avant ça, l'association Urban Art Paris, moi j'en faisais pas partie à l'époque, c'était Seb et un autre crew, avait organisé un premier événement à Vitry-sur-Seine, qui s'appelait La Belle Vitrine, où en fait ils avaient pris possession d'un pavillon, et qui était voué à destruction, et dans lequel ils avaient fait intervenir 28 artistes, si je dis pas de conneries, donc français et internationaux. Et du coup, voilà, ça c'était le premier projet d'ampleur de Urban Art Paris, et après, il y a La Belle Valette qui est arrivée. Est-ce que vous êtes vous-même artiste ? À nos heures perdues, mais c'est pas. On fait rien de très artistique. On peint, mais il n'y a rien de très artistique. Je peux pas dire mieux que ce que dit Mathieu. Aucun lien avec l'art, en fait. Si, on est passionné, mais on est sensible à ça, mais voilà, on n'a pas de temps pour pratiquer, parce que c'est quand même de la pratique récurrente pour sortir quelque chose d'acceptable, et on n'a vraiment pas le temps pour ça. On est plus observateurs et on est les petites mains des artistes pour étaler de la peinture, mais ça va pas plus loin que ça en vrai. Alors, cette idée vous est venue parce que vous êtes des passionnés, vous êtes retrouvés à avoir des compétences et vous vous êtes réunis sur un projet. Est-ce que c'est un peu l'idée? Et vous dire, voilà, nous on a quelque chose à faire sur notre territoire. Est-ce qu'il y a un aspect territorial aussi que vous voulez mettre en avant? Alors, sur l'aspect territoire, Sabine rebondira après. Sur la mécanique de la chose, non, c'est pas du tout. On s'est absolument pas dit on a des compétences, on va faire un truc. C'est plutôt, tiens, on a récupéré un lieu de dingue. Si tu veux, on peut en parler aussi. On en parlera après. On a récupéré un lieu de dingue, on lance un concept et ensuite on le met en application. Donc, ce qui nous a valu de voir beaucoup trop gros au début. Et en fait, on n'a aucune compétence là-dedans à la base. Mais voilà, on a appris sur le terrain, on a su s'entourer d'amis, de rencontres qui nous ont filé des coups de main sur des sujets en particulier. Mais dans cette équipe, donc de 20 personnes, il y en a un seul qui a organisé un festival, un petit festival en Normandie. Donc tout le reste, ça n'a rien à voir avec le milieu de l'événementiel. Alors ce que je vous propose est de faire une pause musicale. Et justement, bonne transition, on va commencer à parler du festival, d'accord ? Et puis on va parler justement de ses compétences ou pas, d'accord ? Et comment vraiment vous avez eu cette opportunité de ce château magnifique, vraiment je dis bien magnifique, hein. Quand je suis arrivée, j'ai vu toutes ces fresques, ce château surplombant en couleurs, enfin c'est un endroit incroyable et magique. Donc on va en parler juste après la pause musicale. Alors c'est toi qui as fait, enfin vous avez fait votre playlist tous les deux sur cette émission. J'aimerais bien commencer par Fana. Est-ce que tu peux nous parler deux minutes de cet artiste? Alors Fana, c'est un son de la Dame Blanche, du coup qu'on a programmé en 2019 sur la deuxième édition de La Belle Valette. C'est la petite fille, nièce. D'un des membres du Buena Vista Social Club, et donc qui est une cubaine qui est absolument dingue sur scène, qui envoie une énergie. Si on devait retranscrire l'énergie de l'équipe du festival, ce serait un peu notre modèle. Elle a une énergie juste complètement dingue, et on a eu la chance qu'elle fête son anniversaire le jour du festival, et ça a donné lieu à un moment que nous on adore, un moment de partage. C'est-à-dire qu'elle a fait monter d'abord toutes les filles de l'organisation du festival et plein d'autres monde après pour célébrer sur scène avec elle. Donc c'est un moment marqué à jamais dans nos esprits. Alors on s'écoute Fana de la Dame Blanche. On se retrouve tout de suite après pour parler de ce festival donc, qui a lieu les 27 et 28 août 2021 cette année. Si vous n'avez pas pris vos billets, en tout cas moi je les ai déjà pris. Voilà, à tout de suite. Yeah. pero me dejaste, pero me dejó. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa na. Se llegó la capitana. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa na. Porque a mí me da la gana. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na. Tu cululí pa la gana. Al final no te toca, negue. ¿Qué vas a hacer con todo esto, negue? Si tú no sabes, no juegues, negue. No puedes con lo que tienes, negue. Así al final no te toca, al final no te toca. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, na. La capitana. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, na. Lo que no nace, no crece, si todo va o viene. Eso que a ti te tocó, otro también lo quiere. No mires tanto para el lado, que lo que más te gusta. Algo que nace doblado, no hay Dios que lo componga. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, na. Ay, que le hola, capitana. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, na. Mírame esa carta que gano yo. A primera vista lo adivino. Dice que a mí nunca me traicionó. Pero me dejaste, pero me dejó. Mírame esa carta que gano yo. A primera vista lo adivino. Dice que a mí nunca me traicionó. Pero me dejaste, pero me dejó. Et ne changez pas de radio, le son débarque. Radio One Passion. Baby, come on. Alors vous êtes à nouveau dans les coulisses de Bérénice et je suis en compagnie donc de Seb et Mathieu sur le domaine de la Valette au château. Donc dans une des dépendances, un lieu magique, comme je vous l'expliquais, puisque le festival aura lieu les 27 et 28 août prochains. Alors je voulais vous poser la question à l'un ou à l'autre, hein, le premier qui répond, où se situe déjà ce festival ? Alors il se situe du coup, comme tu l'as dit, au château de la Valette, qui est en plein cœur du bourg de Précigny-les-Pins. Donc, un petit village de 400 et quelques âmes, à peu près à équidistance entre Gien et Montargis. Et par rapport à Paris ou Orléans ? Une heure, à peu près, entre les deux. Et est-ce que tu peux me dire, vous pouvez me dire, comment se présente ce festival ? Quelle est cette singularité ? Quel est son intérêt ? Ce qui fait la singularité du festival, c'est déjà son cadre unique. En fait, c'est un festival des cultures urbaines qui se déroule dans un cadre arboré assez magnifique avec tous ces bâtiments qui trônent au milieu de la forêt. Et il a la spécificité de fédérer en fait les différents mouvements de la culture urbaine, donc que ce soit la pratique de la peinture avec le street art et le graffiti, mais aussi la musique, également la danse et... peut-être dans un futur, il y aura aussi de la glisse, mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Et c'est un festival qui se déroule le dernier week-end d'août, qui est pour nous une date importante dans le sens où c'est la fin de l'été et c'est aussi le début de la reprise du travail pour certaines personnes. Et on se disait que c'était une occasion voilà, de faire la fête une dernière fois avant de reprendre le chemin du boulot. Et voilà, c'est un festival intergénérationnel, familial, à taille humaine, avec des personnes dévouées qui le font fonctionner deux jours et qui du coup s'impliquent pendant 6 mois pour le faire tourner. Alors, Ici, on est sur, je crois, une trentaine d'hectares, je crois. 36 hectares, voilà. Donc, on a un château magnifique. Alors, comment vous avez réussi à avoir ce château? Comment cette aventure, comment vous avez réussi à obtenir? Est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Comment ça s'est passé? Déjà, à la base, avec Mathieu, comme il disait, on descendait souvent le week-end ici. Et la toute première fois qu'on a vu le château, c'était en 2009 ou 2007. Je nous rajeunis. Et voilà, au début, c'était pour se faire peur, découvrir un petit peu aussi le coin, parce qu'on est très curieux et on adore déambuler dans des lieux comme ça. Et on n'avait pas eu tout l'idée de faire le projet. Et en fait, après l'événement à Vitry-sur-Seine dont parlait Mathieu tout à l'heure, on se baladait, enfin moi je me baladais ici, et on avait un petit peu le coup de... un espèce de coup de blues quand on fait un gros événement qui prend au trip comme celui qu'on avait fait à Vitry-sur-Seine, enfin qui était modeste, mais il y avait une énergie, on avait envie de retrouver ça. Et en fait, en passant ici, on s'est dit, bah, pourquoi pas ce lieu? Après, le truc tout simple, on a contacté le propriétaire qui n'en croyait pas ses oreilles quand on lui a proposé le concept du projet. Il nous a gentiment dit non au début, après on l'a revu, on a discuté avec lui, on avait l'autorisation de peindre à l'intérieur des dortoirs. Donc à la base, c'était ça le projet. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, des mois, il nous a donné de plus en plus de liberté jusqu'au point où on puisse peindre le château. Et ça, c'était vraiment le rêve se réaliser, quoi, parce que peindre un château, ça arrive, je pense, à personne. Et le faire ici, dans un territoire qu'on adore, ça avait une double signification pour nous. Donc c'est ça qui était aussi intéressant. Et c'est comme ça qu'on est rentré, qu'on a développé le projet au fur et à mesure. Mais comme disait Mathieu, on avait vu beaucoup trop gros au début. On avait fait 3 jours, 32 concerts, la première édition. C'était éreintant, fatigant, et au final... on n'avait pas eu le temps d'apprécier. Et du coup, là, je pense qu'on a trouvé notre vitesse de croisière un petit peu avec le format qu'on propose maintenant. Alors, je voudrais revenir sur le propriétaire. Il n'était pas habité, donc, ce château. Il était à l'abandon, c'est ça. Est-ce que vous connaissez son histoire? Au château, au propriétaire? Alors, au château, pardon. Il faut que je précise. peut-être que le propriétaire, il est lié à l'histoire du château, remarque. Non, pour le coup, il est pas lié. Ça fait un peu moins de 10 ans qu'il a racheté ici. Et c'est un promoteur immobilier, donc il a des projets pour plus tard, mais qui n'empêchent pas la tenue du festival, je le précise. Pour le château, il a eu pas mal de vies différentes, ce château. Il a eu beaucoup d'occupants très différents. Nous, on n'est qu'une page de l'histoire. Alors, on est une page un petit peu singulière par rapport aux autres, mais à la base c'était une demeure bourgeoise en fait d'un vicomte et d'une vicomtesse, Albert Hill de Beauchesne, et ils y ont vécu tous les deux, alors pas très longtemps. Le vicomte est mort un petit peu avant la fin du 19e siècle, et ce qui a donné naissance à la chapelle du domaine. On a une chapelle qui servait de sépulture en fait pour le vicomte, et qu'on utilise évidemment dans le cadre du festival. On ne le peint pas, on fait des installations dessus pour la chapelle. Et du coup, la vicomtesse a continué à y vivre un petit peu, elle est décédée, elle l'a cédé à un ami. L'ami y a vécu, il est décédé aussi. Et en 1936, au moment où la guerre civile espagnole a éclaté, les républicains espagnols ont racheté le domaine. Les républicains espagnols ont perdu la guerre, les franquistes l'ont récupéré. En fait, c'est devenu... Ils ont transformé le domaine en collège. En collège et internat, et d'où les bâtiments dortoirs que t'as pu voir, donc qui servaient de chambre pour les collégiens à l'époque. L'intérieur du château a été transformé en salle commune, les anciennes écuries du château ont été transformées en salle de classe, et après c'est devenu des colonies de vacances, donc pour espagnols. Alors Seb pourra préciser le parcours politique de ces espagnols. Et ensuite, en fait, à la fin des années 80, petit à petit, les colonies de vacances ont cessé. Et donc, s'en sont suivis 30 ans d'abandon. Et la mairie de Précigny, à l'époque où ils l'ont racheté, au début des années 2000, ils avaient une vraie volonté de faire quelque chose avec le château. Mais voilà, ils ont fait pas mal d'initiatives différentes qui n'ont jamais trop pris. Il n'y avait pas de projet périn. Du coup, voilà, ils l'ont revendu au propriétaire actuel. Non, je crois que c'était en 32 que les républicains espagnols ont racheté lieu. Et du coup, 36, guerre civile. Mais non, Mathieu a très bien résumé l'histoire du lieu. Donc quand on arrive, donc là je suis rentrée par l'entrée du gardiennage, enfin c'est le gardien, c'est ça, il y a un gardien aujourd'hui, qui vit sur place, si j'ai bien compris. On a le château qui est un petit peu particulier, parce que ce que j'ai noté, qu'il est en forme carrée, et il a deux étages seulement finalement. C'est pas très haut, mais de l'extérieur on a l'impression qu'il est quand même très imposant. Donc il est coloré, tous les bâtiments extérieurs et intérieurs sont colorés ou c'est juste l'extérieur ? C'est juste l'extérieur. Ouais. Alors, en soi, il y en a à l'intérieur aussi, mais comme on disait tout à l'heure, le cœur du projet à la base, c'était d'investir l'intérieur des dortoirs. Donc les 90 chambres, le concept était une chambre par artiste. Donc on a fait venir, on a arrêté en cours de chemin, mais on a fait quasiment 70 chambres. Et en fait, le cœur du projet à la base ne fait malheureusement plus partie du projet officiel maintenant, étant donné que les bâtiments sont interdits au public pour des questions de sécurité. Donc il y a de la peinture à l'intérieur, malheureusement pas visible, mais sinon toutes les surfaces extérieures sont utilisées. Donc château, les anciens bâtiments techniques type chaufferie, laverie, les dortoirs, les écuries et des installations sur la chapelle. Alors, je voulais savoir, depuis la première édition, ça représente combien d'artistes, combien d'artistes sont venus ici, au festival ? Alors, pour peindre, on doit être à 200, à peu près. Un petit peu moins, je pense, mais ouais, on doit être pas loin. Pas loin de 200 pour peindre, et musiciens... Alors, si on ne compte pas les scènes DJ, etc., donc de concerts qui ont été programmés, il y en avait 52. Donc ça, depuis la première édition. Ouais. Et cette année, de quoi se constitue en fait ce festival ? C'est réparti comment ? De la même façon que les autres années, où il y a des petites différences, ou est-ce que c'est bis repetita chaque année, ou finalement vous réglez, vous modifiez, comment ça se passe ? Alors on fait toujours évidemment des ajustements, parce que comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas une science innée en événementiel, donc on fait évidemment des ajustements année après année, mais aussi on veut se réinventer, parce qu'on a pu l'observer notamment entre la deuxième et la troisième édition, on a des fidèles maintenant, on peut le dire, et du coup on a envie de leur proposer une expérience différente chaque année, on n'a pas envie de reproduire, voilà, on prend la même chose, on met au micro-ondes et rendez-vous l'année d'après. Donc le site change, toutes les fresques changent chaque année déjà, donc c'est pas rien, ça fait un peu moins de 10 000 m² qui sont renouvelés quand même chaque année. Le plan d'implantation change, le line-up musical change, la thématique du projet change chaque année. L'année dernière c'était « Demain c'est loin », cette année c'est « L'égalité ». L'apostrophe, c'est sans l'apostrophe. Donc voilà, il y a plein de... Et on essaie d'ajouter des activités chaque année également. Donc... tu peux venir d'une année sur l'autre, il y aura des surprises et des choses à découvrir. Ce sont des artistes qui viennent de quel territoire ? Un peu partout en vrai. Donc en 2019, on avait le thème, c'était l'art contestataire. Donc on avait énormément d'Espagnols, du fait qu'il y a un passé espagnol ici. On fêtait les 40 ans de la nouvelle constitution espagnole, donc on avait fait un line-up principalement espagnol. Et après, d'année en année, enfin, y a des artistes qui viennent vraiment d'un peu partout dans le monde, qui viennent se produire sur nos murs. Après, on a plus d'artistes, évidemment, qui sont frontaliers avec la France. Donc, beaucoup d'Espagnols, d'Allemands, de Belges, de Néerlandais, un petit peu d'Anglais, je crois. Mais je crois qu'on a compté 40 nationalités différentes depuis le début du projet. En termes d'artistes qui sont venus faire des réalisations murales, des choses comme ça. Et quel est votre public ? Assez local, parisien et un peu d'étrangers. Mais on est content d'avoir, je crois que c'était 60 ou 70% de locaux, un truc comme ça. 60% région centre l'année dernière, et dont un peu moins de 50% du Loiret plus précisément. Et après, en termes de typologie de public, là, c'est hyper vaste. On a des nourrissons, comme on a des petits papiers et mamies en déambulateur. Donc tout type de catégories socio-professionnelles, c'est vraiment hyper large. Et le festival est accessible, enfin le prix du festival est volontairement bas pour permettre un large public de pouvoir bénéficier de l'événement en fait. Parce que quand on a lancé le projet, c'était aussi proposer quelque chose de culturel et de festif à un prix très bas. Donc c'est un risque à prendre, mais parce qu'on voulait aussi que la culture soit accessible à tous. C'était une de nos motivations pour lancer le projet aussi. On va parler de l'organisation. On se fait à nouveau une pause. On va écouter un titre de votre playlist. On va écouter le bilan. Qui a choisi le bilan? Je pense que c'est tous les deux. Les deux et toute l'équipe. Toute l'équipe. Quand tu nous as demandé la playlist, on était entouré de quelques autres membres de l'équipe. Et si on demande un son par rapport à la Belle Valette, c'est un de ceux qui ressort le plus simplement. Je pense que tu connais le bilan, tu connais les paroles. C'est marrant de se retrouver. On s'est connus il y a quasiment 15 ans. On se retrouve à 30 ans et quelques à faire ce projet complètement dingue. Et puis, ils se sont produits pour le coup en 2020. Et c'est unanimement le meilleur concert qu'il y a eu à la Belle Valette pour l'instant. Une énergie de malade. C'était en période Covid. Donc le public était frustré, les artistes étaient frustrés. Et ça a été un moment de communion, alors en sécurité, mais un moment de communion. C'était juste fou comme concert. Donc le bilan. Avec plaisir. Donc à tout de suite après le bilan. Le bilan. Aujourd'hui, nous recevons Jackie et Benji. Tellement de l'ambiance à cette époque-là. Moi, j'étais un bon garçon. Quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier, les jours passent comme les voitures. Ouais, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie, hein? Hey! C'est fou ce que le temps passe vite. T'as vu, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à notre enfance, pas toujours aisée, sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours rose, c'est peut-être ce qui nous a motivés. L'esprit était Janek, maman, petit vagabond, ma tête grainée. On préférait sécher les cours et rester svané au quartier. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles à l'époque. Dans les halls, les gangs, Greg, meurent parfois se mêlent. Hey, boy, B-boy représentait Gare Charcel. Je me rappelle, y'avait des bandes et des gangs, y'avait même des gangbangs. C'est vrai qu'on bandait à peine, mais on voulait des gangmen. Nos ambitions, objectifs, devenir quelqu'un, un point commun, celui de réussir par tous les moyens. Maintenant je comprends Benji que quand on était gamin, on avait le même itinéraire mais pas le même destin. Le temps passait, passait, passait, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passait, passait, passait, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Benji, tu te souviens ce qui nous a donné l'envie d'écrire? L'oreille scotchée sur nos bars, d'écouter hey, MC qui déchire. Déjà nos premières rimes naissent, les jeux de mots, puis les jeux de scène ne cessent de s'enchaîner. Des MJC au son de système. Et puis en un éclair, nous voici sous les projecteurs. On s'adapte et on domine, professionnel ou amateur. Tu le sais, c'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Propulse au sommet des hits de là, tout s'est passé si vite. C'est boule de neige, premier album, studio, promo, clip, vidéo. Les necks marrons s'exportent en live et prennent tous les publics. Dans les 4 coins de la France, on est parti foutre le dawa. Comme dans les avant-premières de Steel Pulse et Fujis, Arifa. On a tout déchiré le 22 mai à l'Olympia pour baptiser le concert mythique avec tout le secteur A. La musique m'a mis au fichal, qu'est-ce que j'aurais fait sans elle? J'ai esquivé les plans bouchal, aujourd'hui je kiffe grâce à elle. Le temps passait, passait, passait, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se mémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passait, passait, passait, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se mémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe tellement vite, t'as vu comment on a changé? Kijat a pris du poids, Benji, toi t'as encore bougé. foncer. Regarde, ça se passe, tu brilles des pieds à la tête. Blanche basket de l'or au poignet jusqu'aux lunettes quartier. Pas plus que toi, les gros, respect au Congo. Toutes les rats me parlent de toi et de Bissot, Bissot. Merci, mais dis-leur que je suis plus le même. Que depuis j'ai un fils et aussi une femme qui m'aime. C'est ça, faut construire une famille, assurer sa descendance. Même si ce n'est pas encore mon heure, car que chaque jour j'y pense. L'horloge tourne, les jours défilent, les années passent, nos vies changent. On évolue, chacun son destin, mais surtout chacun sa chance. Le temps passe et passe et passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se mémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe et passe et passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se mémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Vous venez d'écouter le bilan, je suis toujours et vous êtes toujours dans les coulisses. Merci d'être encore avec nous puisque on a encore plein de choses à se dire avec Mathieu et Seb du festival La Belle Valette puisqu'ils sont fondateurs en fait du festival qui aura lieu donc cette année les 27 et 28 août. Comme je le disais tout à l'heure, prenez vos billets, on va faire une superbe fête. Alors tous les deux, donc j'ai encore des questions par rapport à l'organisation, parce qu'on n'a pas encore évoqué tout ça. Ça représente combien de... Votre team, elle est constituée de combien de personnes pour cet orga? Alors, elle est constituée, on le disait un petit peu tout à l'heure, on va dire une vingtaine de personnes qui travaillent à l'année sur le projet. Faut savoir que le festival est fin août. En septembre, on gère la paperasse qui est liée à... au festival qui vient de se terminer. En octobre, on souffle un peu et après c'est reparti. Donc c'est bien 10 mois de travail dans l'année pour beaucoup d'entre nous. Il y en a pour qui c'est un petit peu moins, forcément. On est tous bénévoles, donc on a tous des jobs à côté. Donc ça c'est un point hyper important dans le projet, c'est que des gens bien intentionnés qui donnent de leur temps. Et donc à ces 20 personnes qui travaillent à l'année sur le projet, tu peux en rajouter une quinzaine qui gravitent autour. Donc des amis, des proches, voilà. Et après, pendant le festival, on a plus de 100 bénévoles qui viennent pour le montage, le week-end et le démontage. Comment se font vos choix d'artistes? C'est en collégial, justement, avec cette team? Ou alors, ça se passe qu'entre vous deux? Ouais, il y a deux choses. Artistes, muraux, il y a Seb et Jeanne, principalement. Donc Jeanne qui a pris la succession de Seb à la présidence de l'asso. Donc eux deux principalement. Attends, ouais. J'ai l'impression d'en oublier un autre. Nadège. Il y a Nadou, oui, pardon. Ouais, Nadège. Donc il prépare tout ça à trois. La direction artistique, sélectionner un petit peu les profils, dénicher des profils, prendre contact. Et après, en fait, comme beaucoup de sujets comme on a sur le festival, eux ils préparent ça ensemble. Ils présentent au reste de l'équipe. Et après, c'est une décision, alors plus ou moins collégiale en fonction des sujets. Mais pour le coup, la musique, tu vois, c'est un peu la même chose. On fait ça avec Julien, Seb et moi. On prépare le sujet tous les trois. Et après, on en parle au reste de l'équipe. C'est totalement démocratique. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est ça aussi qui est bien et qui permet, je pense, à l'équipe d'être soudée, d'être motivée. C'est que, qu'importe si, entre guillemets, sur le festival, on a tous... Des rôles à jouer, orga, communication, gestion, bénévole, etc. Dans la préparation, tout le monde peut donner son avis et il n'y a pas de précaré pour une personne ou une autre, quoi. Là aujourd'hui, on est au mois de mars, donc vous en êtes où? On a fini. Alors niveau artistique, on va sélectionner là, les artistes qui vont faire les résidences. Donc le château, c'est déjà annoncé, c'est Astro, mais on a toutes les façades sur les quatre villes du territoire que l'on va investir. Et la partie musique, c'est en bonne voie. On a plus ou moins 50% du line-up musical. Et on n'a pas encore fini de trouver les autres 50% restants. Mais voilà, on a bien avancé. On est plutôt dans les temps par rapport à l'année dernière, je trouve. On s'améliore dans l'organisation, donc forcément, à un moment donné, ça se ressent quand même sur le planning. Les premières années, on était totalement dépassés par le moindre obstacle. Et maintenant, on arrive plutôt à bien gérer tout ça. Et on a hâte, en fait, de rentrer dans le vif du sujet, quoi. Et là, en termes de jauge, vous me disiez tout à l'heure en off, donc ça n'a fait qu'évoluer depuis la première édition. Vous pouvez m'en parler de ça ? Et si vous avez une explication sur le fait que ça se développe beaucoup ? Voilà, la première édition, donc en 2018, on fait un peu moins de 2000 personnes. En 2019, on fait 3500. Et l'année dernière, on a fait 4500, donc en 2020. Sachant qu'il y avait un contexte Covid. Et il a plu pendant deux jours. On a un festival en extérieur. On a un festival pas cher et de proximité. Donc 4500 avec la pluie, ça aurait pu être quand même bien plus. Mais bon, Covid oblige également. Et ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Au début, on nous prenait un petit peu pour des hulu-berlus et enfin voilà, on n'était pas vraiment pris au sérieux. Maintenant, on est très bien relayé localement et aussi nationalement grâce à l'équipe comme donc David, Gabi, Rémi qui gère les relations presse. Ils font un vrai boulot pour faire connaître le projet, connaître le festival. Donc du bouche à oreille, des bonnes expériences. Comme je disais tout à l'heure, le public qui vient et qui revient. Donc il passe une bonne expérience. On est un festival vraiment atypique, ne serait-ce que si on s'arrête au lieu et à tout ce qui est proposé. Et comme disait Seb tout à l'heure, un prix vachement accessible. Donc y a plein de raisons qui font ce succès. Mais après, on se repose pas sur nos lauriers. Il faut comme je disais tout à l'heure, qu'on se réinvente en permanence et qu'on propose toujours plus de lourd au public. Il est parfait, Mathieu, me dit Seb. D'accord. Coupé. Non, on coupe pas du tout, là. On coupe pas du tout. Moi, je veux pas couper. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut venir à votre festival. Est-ce qu'on peut être hébergé ? Est-ce qu'il y a un moyen d'être hébergé ? Il y a un super camping qu'on a mis en place depuis le début de la première édition, qui est en plein milieu de la forêt qui est assez idyllique, donc avec tout ce qu'il faut comme confort, certes sommaire mais présent, comme des douches et des sanitaires. Et sinon, il y a des gîtes à proximité, donc en tapant sur Google, on peut trouver tout ce qu'il faut pour se loger. Il y a aussi l'hôtel avec qui on est partenaire, le Brit Hotel sur la Nationale, qui loge nos artistes quand on fait le festival, qui accueille aussi des festivaliers, mais il est très vite complet. Donc dépêchez-vous. Et en termes de transport, on a un de nos tout premiers partenaires et un de ceux qu'on aime le plus, les Transports d'Arbier, qui est une entreprise à Montargis, donc qui met en place des navettes directement depuis Paris, depuis Porte d'Orléans pour venir directement sur le site. On a essayé Orléans, ça n'a pas trop marché pour l'instant, donc on n'est pas sûr de renouveler. Mais voilà, il nous met en place également des navettes des gares de Montargis et Nogent, qui sont les gares les plus proches du site du festival. Et on met en place une plateforme de covoiturage qui ne marche pas, mais qui ne demande qu'à marcher. Donc n'hésitez pas à covoiturer. Et on a évidemment un parking sur place qui peut accueillir beaucoup, beaucoup de monde. Donc c'est un domaine pas facile d'accès, mais on le rend facilement accessible pendant le festival. Parfait. Donc très très organisé, avec en plus une centaine de bénévoles, si j'ai bien compris. Ça a suscité des vocations dans les bénévoles. Oui. Ouais. Franchement, enfin, au-delà des vocations, dans l'équipe en général et dans les bénévoles, on a des gens qui ont eu comme une illumination, je dirais. Et qui sont impliqués maintenant dans l'association à fond. Enfin, on avait un festivalier qui est devenu bénévole, qui est maintenant un service civique dans notre association. Donc ça montre un petit peu l'évolution où il parlait de Jeanne, qui est la présidente de l'asso, qui était une stagiaire à la base, et qui a pris le virus comme nous de ce projet, et qui maintenant pilote la structure et coordonne les différentes antennes qu'on a, parce qu'on a des antennes à Toulouse, à Bordeaux, et ici, justement, Urban Art en Gâtinais. Et voilà. On voit que ce projet, il touche beaucoup plus qu'un simple projet événementiel ou artistique. On les remercie jamais assez, donc merci à tous les bénévoles de tous les festivals d'ailleurs. Merci d'être présents, sinon on ne pourrait pas venir non plus concrétiser tous ces beaux projets. Et j'ai une question aussi par rapport à, au soutien régional. Qu'est-ce que vous avez comme soutien aujourd'hui, enfin, ou national, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez comme soutien financier ou, voilà. Quels sont vos soutiens aujourd'hui ? Alors, on a des soutiens institutionnels. Donc, tu parlais de la région. Il y a la région qui a été un de nos premiers, un des premiers à nous soutenir. Donc, vraiment, vraiment top. Il y a le département qui nous soutient à travers le département du Loiret et Tourisme Loiret, qui est le bras armé tourisme du département, et qui font un vrai travail. D'ailleurs, on travaille avec eux sur d'autres projets. C'est vraiment, ils font un boulot top. On a la communauté de communes qui nous soutient. Et maintenant, on a la mairie de Précigny aussi qui nous soutient. On a eu une histoire un peu compliquée avec eux au début, mais depuis les élections l'année dernière, maintenant, on s'entend bien et ils nous filent un coup de main. Et après, on a surtout, enfin aussi et surtout, beaucoup de partenaires privés. Donc, on parlait des transports d'Arbier tout à l'heure. Il y a plein d'autres boîtes sur le territoire qui nous donnent. Sans eux, on pourrait pas faire le festival. Le budget du festival serait x10, déjà qu'il est difficilement tenable et qu'on n'est absolument pas rentable. L'idée n'étant pas d'être rentable, mais au moins d'arriver à l'équilibre un jour serait bien. Sans eux, on pourrait absolument rien faire. Donc, on parle de Stars Europe à Briard, je sais pas si tu connais, donc notre prestataire technique. On parle de Solomat, qui est une entreprise de BTP qui est située à côté de Montargis, Brico Dépôt à Villemandeur. Montargis, ouais. Qui fait les pizzas, qui offre les pizzas aux bénévoles pour le montage et le démontage. C'est des petits trucs comme ça, mais qui nous, en tout cas, déjà nous font plaisir et nous permettent quand même de un petit peu alléger le coût monstrueux du festival sur certains aspects. Et aussi, parce que quand tu vois au début, comme je disais, personne voulait nous suivre, et dans ceux que je viens de citer, ils font notamment partie des premiers à nous avoir fait confiance et nous avoir suivis. Sans eux, on n'en serait pas là, et ils te donnent une putain d'énergie, parce que voilà, ils t'aident et sans rien demander en retour, donc c'est génial comme dynamique. Je pensais à ça. On a failli oublier de parler du village Gâtinais en fait, parce que sur le festival, outre toutes les animations liées aux cultures urbaines, l'un des souhaits qu'on avait aussi c'était de valoriser l'artisanat local. Et le premier village Gâtinais, donc lors de la première édition, était assez embryonnaire et pouvait faire sourire. Mais là, depuis, avec justement Tourisme Loiret et David Masson, qui est le directeur de Tourisme Loiret, on a mis en place, et Vincent Riglet de Vallée Gâtinaise, on a mis en place un village Gâtinais qui a vraiment fière allure. L'année dernière, il avait fière allure. Et en fait, c'est aussi ça l'objectif, c'est de pouvoir reconnecter les artisans du coin et leur savoir-faire avec les habitants, ou ne serait-ce que les festivaliers qui connaissent pas forcément tout le savoir-faire et tous les trésors qu'on a sur le territoire. Et ce festival, c'est aussi l'occasion de ça, parce que quand on parle d'art, il y a certes l'art mural, l'art musical, mais il y a aussi l'art par le métier. Donc que ça soit de la bière, il y avait quoi d'autre ? Il y avait c'était large. Il y avait de la nourriture. Enfin, il y a vraiment de tout. Et en fait, l'artisanat, quoi. Ouais. On se rend pas compte de tout ce qu'on a sur le territoire en termes de savoir-faire. Et ce village Gâtinais, ça permet de rappeler aux gens que voilà, il y a des gens qui travaillent et qui font des très belles choses. Moi, j'ai hâte d'être le 27 et le 28 avec tout ce que vous me dites pour aller manger du miel, bien sûr. Alors, toi qui es dans la communication, Seb, moi, je voudrais savoir si vous vous projetez aujourd'hui sur ce qui va arriver les années suivantes, dans le sens où, ben, ça y est, vous avez commencé à prendre votre rythme, entre guillemets, votre équilibre financier certainement dans pas très longtemps. Comment est-ce que vous vous projetez sur la suite, sur le domaine ? Ou est-ce que vous commencez à vous projeter sur d'autres projets, d'autres domaines, ou des collaborations avec des festivals, etc. Est-ce que vous commencez à anticiper et à avoir une vision un peu plus lointaine de ce qui vous arrive là aujourd'hui, et cette expérience incroyable ? On essaie un petit peu de voir plus loin. Après, on a la chance quand même d'avoir ce lieu. On sait que ça ne durera pas. Donc, on essaie de se préparer à ça, même si c'est très compliqué de se mettre dans la tête qu'un jour, on ne pourra plus profiter de ce lieu incroyable. Mais par exemple, le Hors les Murs qu'on a mis en place depuis 2 ans, c'est aussi dans une démarche de sortir un petit peu du domaine et d'aller aussi autre part sur le territoire. Donc ça, c'est pour la partie en tout cas murale. Et c'est ce qui fait. Hors les murs, c'est ce qui se passe à Orléans, au Carbe, où ça n'a rien à voir. Justement, c'est pour ça que je voulais te poser la question. Donc, tu as un hors les murs à toi, qui se trouve où? Le hors les murs, c'est le off. Donc, le off, c'est avant le festival en lui-même. C'est le off du festival où on invite des artistes à venir faire les façades, comme tu as pu le voir au quartier de La Chaussée à Montargis. Et on a 9 fresques dans le quartier de La Chaussée. Et cette année, 4 villes ont participé un petit peu à ce projet. Donc, en plus de Montargis, il y a Chalette-sur-Loing, Gien et Pithiviers. Et sur ces 4 villes, on va faire 8 réalisations de fresques. C'est les appels à projets que j'ai vus ? C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est le off du festival et c'est ce qui nous a permis un petit peu aussi de nous faire connaître parce que ces grandes façades monumentales à Montargis qui sont le long de la rocade, ça nous a permis d'avoir une belle visibilité. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le lien, heureusement, mais ça c'est pas toujours qu'on fait le lien entre les façades à Montargis et le château. Et c'est un peu notre carte de visite et notre moyen de communiquer parce qu'on est dans l'art urbain, donc la meilleure façon de se rendre visible, c'est d'être présent sur les murs. Et ensuite, on a d'autres projets avec Mathieu. Alors, je ne sais plus où je voulais en venir, mais au niveau de la communication, on essaye de se projeter. Donc, à la fin du festival, on sait plus ou moins ce qu'on va faire l'année prochaine. L'année prochaine, par exemple, c'est nos 5 ans. Donc, c'est sûr que ça sera quelque chose de spécial pour nous. Et on va vouloir le faire ressentir aussi au public. Donc, il y a des petites idées qui commencent déjà à germer par rapport à ça, à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire pour les 5 ans, quelle est l'ambition qu'on veut donner au projet aussi. L'idée c'est que c'est un projet qui est très attaché à un lieu et on aimerait aussi pourquoi pas faire sortir un petit peu l'ADN d'ici pour l'amener dans d'autres lieux. C'est pas impossible et c'est un des objectifs qu'on a. On n'a pas envie d'être non plus bloqué ici, même si c'est notre bébé et que on adore ce lieu, mais on sait qu'à un moment donné la collaboration avec le propriétaire s'arrêtera parce que lui a ses projets professionnels aussi dessus et on le sait en connaissance de cause. Donc il faut se préparer à ça et il ne faut pas tomber dénu si, et sans projet si un jour ici ça s'arrête. Je rajoute un petit truc. L'asso dont on parlait tout à l'heure, l'antenne de l'asso Urban Art en Gâtinais, qu'on a créé il y a 2 ans maintenant ici, eux ont aussi ce rôle et cette volonté de développer déjà en fait nos activités, nos interventions, notamment dans les milieux scolaires. Si l'année dernière le Covid n'était pas passé par là, ils auraient accueilli plus d'une 20aine de classes ici, ils auraient fait 10 interventions dans des écoles. Donc ça s'arrête pas au festival La Belle Valette pendant 2 jours, mais Urban Art en Gâtinais justement développe aussi tous ces projets annexes à côté. L'action culturelle. L'action culturelle dans toute sa splendeur. Bah il faut. Bien sûr qu'il faut. Donc c'est très bien, c'est super. Ouais, donc il y a plein de choses qui se font et qui gravitent en fait. Il y a vous avez été à l'initiative d'un projet et derrière plein de choses à graviter autour. Donc c'est tout un écosystème. Donc ça c'est bravo déjà à tous les deux. Enfin, je trouve que c'est incroyable quand même ce qui vous arrive, cette aventure. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure à nouveau du château. Vous me dites si je vous dis des bêtises. Si j'ai bien compris, vous le repeignez chaque année et c'est vous qui le faites ça? Alors, on repart l'extérieur, hein, l'intérieur, comme tu le sais, malheureusement, n'est pas accessible non plus. En fait, le château, c'est comme tous les supports qu'on a sur ce domaine, chaque année, page blanche et des nouveaux artistes interviennent. Donc, comme on disait tout à l'heure, nous, on n'est pas artistes. Donc, nous, on aide à la préparation des supports, donc remise en blanc et cette année, petite particularité, remise en noir pour Astro, qui lui aura besoin d'un support noir. Et après, on assiste, en fait, on adore faire ça, on assiste les artistes. On les aide à faire les remplissages, que ce soit de l'acrylique ou à la bombe. Que ce soit Sab et moi, on est comme des gosses, on adore faire ça, mais comme toute l'équipe, c'est génial parce que tu co-construis une fresque avec un artiste, nous qui ne le sommes pas. Et donc, chaque année la façade change, et là, telle que tu la vois, dans deux mois, elle aura une nouvelle robe. Enfin, il aura une nouvelle robe. Oui. Très bien. Donc moi, je vous ai vu il n'y a pas très très longtemps. Vous m'aviez dit c'est une rediff sur la chaîne, la toute nouvelle chaîne Culture Box. Donc je me suis dit waouh, les gars, il se passe quelque chose là. Bah ouais, le fait que ce château soit l'un des seuls au monde, parce qu'il y en a un deuxième en Écosse à être peint, et depuis. Il a été remis dans son état naturel, donc on peut théoriquement dire qu'on est le seul château au monde à avoir de la peinture comme ça et à accueillir des œuvres artistiques chaque année. Ça intéresse les médias, et l'émission Renversant était venue il y a 2 ans, tournée ici donc avec toute son équipe, et c'était super sympa. On s'était bien marré ce jour-là, je me rappelle. Il faisait chaud, mais on s'était bien marré. Et du coup, ouais, c'est marrant que tu aies vu cette émission. Où le lieu sert du coup de décor pour des émissions. Bon, en l'occurrence, une seule pour le moment, mais on ne désespère pas pour un jour en accueillir d'autres, on serait content. C'était Princesse Erika, je crois, qui était passée, et puis une autre artiste qui est montante là aussi. Linaïs Jeans, qui est super d'ailleurs. Et c'était super cool, parce que je me souviens plus si on le voit dans l'émission, mais tu sais, c'est un petit concert acoustique. Et on l'a fait exactement ici, dans cette même pièce, et avec une vingtaine d'habitants de la commune. Et de Pressigny, et qui étaient comme des dingues, quoi. On avait Princesse Erika à côté. Alors, moi, personnellement, Princesse Erika, ça me parle pas, mais là, on avait 20 aficionados à 5 mètres d'elle. C'était un super moment, super moment. Que des bons souvenirs. Ouais. D'accord. Alors, je vous avais dit, on garde le moins bien pour la fin, puisqu'on va parler du Covid. Covid-19. C'est vrai. Ça se vide. Du coup, comment vous voyez les choses pour cette année ou les années suivantes pour le festival par rapport au Covid? Vous avez réussi de votre côté à vous organiser? Enfin, comment la jauge va être différente? Comment? Inch'Allah. On n'est pas devin, on n'a pas de boule de cristal, mais une chose est sûre, nous, on est des éternels optimistes. Alors, parfois borné, peut-être un peu con, mais voilà, on fonce, c'est notre politique. Toute l'équipe est comme ça. Il y a une énergie débordante, donc à aucun moment on peut se dire en janvier, tiens, on va pas faire le festival. On a songé pendant quelques jours à réfléchir à un autre format. On a abandonné tout de suite parce que sinon c'était la dépression pour tout le monde. Donc non, on l'a fait l'année dernière. L'année dernière, au moment du premier confinement, nous on s'est dit, c'est en août, c'est loin, on maintient et on le fait savoir à tous ceux à qui on doit le faire savoir, à savoir la sous-préfecture, la mairie, les pompiers, l'ARS et compagnie. Et depuis le premier jour, on est tout le temps en contact avec eux, on leur fait savoir, nous le festival, on veut le faire, voilà ce qu'on est prêt à mettre en place. On est toujours proactif, on propose des plans B, des plans C, des plans D, parce que le festival, faut qu'il ait lieu. Et cette année, il aura lieu. On a réussi à le faire l'année dernière. Il n'y a eu aucun cluster, il n'y a eu aucun cas qui nous a été remonté. L'ARS, aucun cas. Donc, c'est en plein air, c'est en août. Les gens font quand même principalement gaffe. Enfin, les gens portaient les masques. Il y avait du gel hydroalcoolique partout. Désinfecté par les équipes. Des plexis sur les stands. Donc on a un protocole qu'on a mis en place l'année dernière qui a prouvé son efficacité. Nous, on est prêt à le redéployer cette année. Après, voilà, on n'est pas devin et on est soumis aux décisions des autorités, mais eux connaissent notre sérieux et voilà, sur notre CV, on l'a fait, ça s'est bien passé. Pour le parking, ça se passe où quand on vient au festival? C'est pour moi. Hein. Ça se passe à l'autre bout du domaine. Mais t'inquiète pas, tu verras tous les fléchages faits à la main par les équipes. Au pochoir, parking, parking, parking. Donc si j'ai bien compris, on peut venir avec sa voiture. On peut faire du covoiturage. On a des services de navettes, hein, d'accord. On peut être hébergé par des Airbnb, vous avez un camping, vous avez aussi des hôtels, vous avez un festival atypique, incroyable, dans un château, au milieu de la nature. Ça se passe en région France, en région Centre-Val de Loire, pardon, à 1 heure de Paris, 1 heure d'Orléans. On a dit combien de Montargis ? 15 minutes de Montargis. 15 minutes de Montargis et 15 minutes de Gien. On a 2 jours de festival à un prix dingue, hyper compétitif, qui est de. Là, actuellement, c'est 23 € le pass 2 jours avec le camping gratuit. Donc là, faut pas hésiter. Je pense que vous allez exploser la jauge. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Est-ce que vous avez autre chose à évoquer là dans cette interview ? Puisque moi, de mon côté, avant de se quitter et puis d'écouter là. On le fait à chaque fois, mais faut jamais l'oublier, parce que parfois on est un peu tête en l'air. Mais tu l'as déjà dit toi tout à l'heure, mais les bénévoles. Les bénévoles, l'équipe Urban Art Paris, l'équipe Urban Art en Gâtinais, ceux qui gravitent autour, les potes, la famille, nos femmes. un énorme merci. On se remercie entre nous, eux nous remercient, nous on les remercie, tout le monde se congratule. Mais on s'adore, on a réussi à créer une véritable famille. Et c'est dingue ce qu'on arrive à faire tous ensemble, quoi. C'est une montagne, ce projet, dont on arrive à accoucher chaque année grâce au travail de tout le monde, quoi. Et je le répète, bénévolement. Tout le monde a une vie à côté de ça. Donc, la vie maintenant de tout le monde, c'est le festival. Ouais, on les aime. En tout cas, bravo à tous. On a hâte de vous retrouver au festival, pendant le festival le 27 et le 28 août. Il y a encore des possibilités de prendre des billets aujourd'hui. Oui. Il y a encore un petit peu de marge. Oui. Faut que vous y allez, quoi. Faut y aller. Bon, très bien. Pour ses voisins, pour sa famille, pour tout le monde. D'accord. Bon, en tout cas, je vous l'ai dit, moi, j'ai déjà pris mes 2 places parce que je me suis dit, oh là là, ça continue, j'en aurai plus parce que tout le monde va sauter dessus au dernier moment parce que. Voilà, comme tout le temps. Donc, merci en tout cas de m'avoir accueilli ici au château pour vous parler de votre bébé, le festival La Belle Valette qui aura lieu le 27 et 28 août, je répète. Dépasse à 23 €. Et en plus, on a dit le parking gratuit, c'est ça, hein, le parking. Et le camping, pardon. Oui, donc même l'hébergement s'il y a besoin, avec des tas de bénévoles hyper impliqués et dévoués. Donc merci à tous les deux de m'avoir accueilli aujourd'hui et d'avoir fait cette interview, voilà, qui m'a enrichi également. Et puis bah c'était plutôt très sympa, on va dire, d'être ici. Voilà, je vais vous souhaiter un bon festival et une bonne préparation, on va dire, parce qu'il y a encore du taf, hein, d'accord, hein, sur la programmation, l'orga, etc. Donc bon courage à tous, en fait. Et puis voilà, je te dis au revoir Mathieu, à bientôt, Seb également. Merci dans les coulisses, merci d'être venu dans les coulisses. Merci infiniment pour cet échange, c'était vraiment cool. Ouais. Merci Bernice, toujours des moments agréables de... Tu vas rétro-pédaler un petit peu et prendre du recul par rapport aux choses. Et non, ouais, c'est vrai, hyper agréable comme échange. Merci. Avec plaisir. Et donc, au festival. Au 27 et 28. Au 27 et 28. Bonne soirée. Au revoir. Alors pour Seb, je reprends rapidement le micro. On s'est dit au revoir, mais en fait, on va se quitter et je suis désolée. On va s'écouter Dégradation, puisque c'est ta playlist à toi, ça. Du coup, TSR, tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisi, ce titre ? Alors, c'est un son que pas mal de gens de l'asso kiffent, parce que Hugo Tesser, c'est un rappeur indépendant, donc qui est venu sur la première édition du festival. C'était assez cool. Il a la spécificité d'être aussi un graffeur, donc il fait et de la peinture et de la musique et du graffiti. Et c'est le profil artistique qui fait un peu le pont entre ces deux mouvements, et c'est pour ça qu'on avait bien apprécié ce son. Voilà. Eh bien, on s'écoute tout de suite Hugo Tesser et on se quitte cette fois. Et encore merci à tous les deux, Mathieu et Seb, au domaine, donc pour le festival. Au revoir. On On les appelle les taggers. La nuit, ils rasent les murs équipés de feutres ou de bombes à peinture. Ils affectionnent les wagons du métro. Ce ne sont plus des graffitis, disent les amateurs, c'est de l'art brut. Brut peut-être, mais cher pour la RATP. Ils disent que le rap c'est pas pour toi, les écoute pas, c'est pas si dur d'en faire. Sinon t'as le graffiti sur le barin et la teinture française. Malgré les grosses descentes, on reste posé du côté son. Mon son s'écoute avec un pet et des lunettes de protection. Ton œil va prendre un coca, y'a du panel, du wall car le métro mange des grosses claques. Tu speed même sous du Bronx, cap Paris sans crack. Ma ville rembarge, là je viens en marche, chaque scandale, ça vient en masse. TSR crew, l'art de la rime vandale. Je rappile au mille, j'aime le bordel, foncé a priori. Je suis le nouveau reporter sur le terre-terre, meilleur qu'April O'Neill. On éclate tout, pas le temps pour les 10 minutes. Fat des capours sur des cartouches de 400 millilitres. Quand les bouffons bouffonnent, même à quitter, on me soupçonne. Et j'ai la tête dans les nuages, même sans quitter mon sous-sol. Je fais les mêmes plans en innovant, je rentre dans le dépôt en bricolant. J'évite au troisième rail, je fais pas confiance à mes semelles isolantes. Dégradation, c'est les délires d'un grand mégalomane. On encule les notables et on revient même quand t'effaces nos tags. Alerte à la bombe, cavalcade dans un vacarme. Normal, le son fracasse sur mon micro, y'a un fat cap. Dégradation, c'est les délires d'un grand mégalomane. On encule les notables et on revient même quand t'effaces nos tags. Alerte à la bombe, cavalcade dans un vacarme. Normal, le son fracasse sur mon micro, y'a un fat cap. Ça quiebra, ça quiètera, on fait nos bails, ne t'inquiète pas. Les marques de luxe, je les aime pas, sauf tamponner sur les quêtes plats. Le barème est simple, pour une injure, on te met deux coups. Paris est tatoué, pas besoin de shit pour avoir les yeux rouges. En immersion, comme la Calypso, un vandal parmi d'autres. Si on se fait prendre, on reviendra avec des places mythos. Fonté au clan dans un mouvement affaiblissant. Tant pis, je reviens demain, le maître chien a fini blanc. J'ai mis le paquet, neutraliser l'alarme, éclater les barrières. Fais un panel et tu reverras jamais Paris pareil. Dans le rap, c'est la même, vandal style. Ça sent le traquenard, descenseur dans la star. Dans mon cou, pas de fond blard, car la rage m'accompagne. Je m'en fous de marquer l'histoire, mais tant que je suis là, je marque mon blast. Squatteur de dépôt, je suis un vandal, pas un big boy. En plein dans mes contours, je suis alerté par un bruit de porte en plus. Y'aura pas de light, pour finir, y'a pas le time. Je vais retrouver mon mat là, je suis dans le faisceau d'une maglite. Cellule anti-tac, t'attends l'amende et puis tu serres les fesses. Je fais partie de ceux interrogés par le commissaire Etienne. Jamais balancé, j'étais seul, j'ai pas tagué. Je suis juste parti pisser, seconde après, je suis matraqué. Voilà ma version des faits, on baisse les troncs comme des salopes. Bousillé, c'est mon travail, je repeins Paris, je mériterai les allocs. Dégradation, c'est les délires d'un grand mégalomane. On encule les notables et on revient même quand t'effaces nos tags. Alerte à la bombe, cavalcade dans un vacarme. Normal, le son fracasse sur mon micro, y'a un fat cap. Dégradation, c'est les délires d'un grand mégalomane. On encule les notables et on revient même quand t'effaces nos tags. Alerte à la bombe, cavalcade dans un vacarme. Normal, le son fracasse sur mon micro, y'a un fat cap. Le graffiti a pris 10 ans de ma vie. Moi, j'ai fait ça de manière méticuleuse, sérieuse, comme un travail. Et maintenant, je réalise que j'ai fait tout ça pour pas grand-chose, uniquement pour le kiff. Et s'il fallait le refaire, je le referais direct. Écoutez votre radio sur www.radioweb-passion.com.